Je veux de l'amour qui chante les cœurs légers, cheveux au vent. Un amour grand comme le soleil, le vent sur l'océan. Je veux de l'amour suprême, de l'amour sans condition, sans paix. Je veux de l'amour qui porte.